a passing song somewhere. Jordi la bien belle, regardez, on va même parler. Ou va l'emmener là, la canne si caille là, pour voir la maille. Faut plaire à si moi, comme ça, nous caille toucher bonheur. Hello, hello, hello, douce. On nous voyage loin. Hello, douce. Hello, hello, hello, douce. Laissez-nous aller. Allons, la chose est claire. Sacar.